الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Continuons donc les cours, inshallah, sur les principes du takfir. Nous allons arriver à la définition du kufr, de la mécréance. Donc, inshallah, on en arrive à la définition du kufr. Le kufr, dans la définition islamique, c'est le contraire du iman, le contraire de la foi. Et dans l'absolu, vous ne m'entendez pas bien ? Le son n'est pas bon ? Donc le kufr, c'est le contraire de iman, le contraire de la foi. Et dans l'absolu, le kufr, c'est le fait de contredire l'enseignement du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est de contredire l'enseignement du prophète, alayhi salatu wassalam, après en avoir été informé. Donc c'est le fait de contredire, écoutez bien, c'est important, le kufr, c'est le fait de contredire l'enseignement du prophète alayhi salatu wassalam après en avoir été informé ou après avoir été capable de s'en informer mais ne pas s'y intéresser, sans, comme on dit entre guillemets, s'en foutre quoi, le fait de ne pas s'y intéresser, de ne pas y prêter attention. Donc le kufr, c'est soit le fait de contredire l'enseignement du prophète alayhi salatu wassalam après en avoir été informé, soit le fait de d'être capable de l'apprendre mais d'y renoncer. Cheikh Abdallah ibn Muhammad ibn Abdel Wahhab a dit dans Durar al-Saniyya volume 10 page 239: وذلك لأن الكفر إنما يكون بمخالفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا مجمع عليه بين العلماء في الجملة. La mécréance, car la mécréance est le fait de s'opposer au livre d'Allah et à la sunna de son messager alayhi salatu wassalam. Ceci fait objet d'unanimité des savants. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit dans Minhaj al-Sunna volume 5 page 251-252. C'est-à-dire, il n'y a pas de doute que la mécréance dépend du message, est en rapport avec le message, est liée au message. Le kufr est lié à la risala, au message. Démentir le messager, le haïr, l'insulter ou s'opposer à lui tout en connaissant sa véracité est une mécréance intérieure selon les compagnons et leurs disciples, c'est-à-dire une mécréance du cœur. Ibn Taymiyyah dit dans Majmu' al-Fatawa, volume 28, page 501, « La yukaffir al-ulama » من استحل شيئا من المحرمات لقرب عهده بالإسلام أو لنشأته ببادية بعيدة فإن حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة. C'est-à-dire, et les savants ne bannissent pas de l'islam celui qui permet une interdiction à cause qu'il vient de se convertir ou qui vit dans un désert lointain. En effet, le statut de mécréant n'est donné qu'après la transmission du message. Et Ibn Abdelbar al-Maliki a dit dans At-Tamhid, volume 18, page 42, Al-Kufru man anada la man jahala, wa hadha qawl al-mutaqaddimin min al-ulama, wa man salaka sabilahu min al-mutaakhirin. C'est-à-dire, la mécréance est le refus et non l'ignorance. Et ceci est l'avis des anciens et ceux qui suivent leur doctrine parmi les contemporains. Donc, la mécréance, en général, les ulama la divise en 5 catégories, comme l'a fait Mohammed ibn Abdel Wahhab, entre autres, dans ses textes. La mécréance prend 5, et Ibn al-Qayyim également, dans son livre Madarij al-Salikin, la mécréance prend 5 formes principales. Soit c'est le fait de démentir et de renier ce que l'on connaît de l'enseignement du prophète. soit c'est s'enorgueillir et refuser d'obéir aux ordres que l'on reçoit, soit c'est douter de l'authenticité de ce que l'on sait provenir du prophète, soit c'est se dédaigner de l'enseignement du prophète, c'est-à-dire ne pas s'y intéresser. 5. C'est l'hypocrisie, qui est le fait de faire semblant de croire en ce que le prophète a enseigné. Donc ce sont les 5 catégories de mécréance principale. Le takdib, donc, je le reprends, le takdib, c'est-à-dire le fait de démentir, de dire qu'une chose est un mensonge. Le takdib, par exemple, celui qui c'est-à-dire qui dément le jour de la résurrection, c'est-à-dire celui à qui on dit il y aura le jour de la résurrection et dit non, c'est pas vrai, il y aura pas de résurrection. C'est le cours de takdib. D'accord? Ou alors celui, on lui dit l'alcool c'est haram, Allah l'a interdit, et il dit non, c'est pas vrai, c'est halal l'alcool, par exemple, c'est du takdib. D'accord? C'est le fait de démentir ou de renier ce que l'on connaît de l'enseignement du prophète alayhi salatu wassalam. Allah Azza wa Jalla dit: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ. Qui est-ce qui est plus injuste que celui qui ment sur Allah ou qui dément la vérité lorsqu'elle lui parvient? أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ, qui dément la vérité lorsqu'elle lui parvient. Est-ce que l'enfer n'est-il pas le refuge des mécréants? Ensuite, la deuxième catégorie, al-iba wal-istikbar, c'est-à-dire le refus et l'orgueil. C'est-à-dire, c'est quoi le refus et l'orgueil? C'est le fait de savoir qu'Allah Azza wa Jal a ordonné quelque chose, ou que le prophète alayhi salatu wa salam a ordonné quelque chose venant d'Allah Azza wa Jal. Le fait de savoir ça, et malgré cela, refuser, ne pas vouloir, dans son cœur même, refuser de se soumettre à ça. Refuser de se soumettre, d'accepter cet ordre. Entre autres, c'est ce que fit Shaitan. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent tous, à l'exception de Iblis, qui refusa et s'enfla d'orgueil et fut au nombre des mécréants. Donc, l'orgueil, la mécréance d'orgueil, c'est après avoir eu connaissance qu'Allah a ordonné quelque chose, on refuse d'accepter cet ordre. Ça, c'est kufr al-iba wa al-istikbar. Ensuite, douter de l'authenticité de ce que l'on sait provenir du prophète, le shak, ash-shak. D'accord, le kufr. Non, le doute, c'est le fait de savoir que le prophète a dit quelque chose ou qu'Allah a dit quelque chose, mais malgré ça, en douter, ne pas être sûr que ce soit vrai. Quatrièmement, le kufr, on dit al-i'rad, c'est-à-dire le fait de se dédaigner de l'enseignement de l'Aïssa wa sallam, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ, c'est-à-dire ceux qui sont mécréants se dédaignent de ce dont on les a avertis, c'est-à-dire qu'ils ne s'y intéressent pas, ça ne les intéresse pas. Exemple, quelqu'un qui sait qu'Allah a interdit des choses et ordonné des choses, mais il dit ça m'intéresse pas de le savoir, ce qui fait qu'il ne se préoccupe pas de savoir si l'alcool est interdit ou pas. Il sait pas si dans le Coran c'est écrit que l'alcool c'est interdit, mais ça l'intéresse pas de le savoir. Ça l'intéresse pas de le savoir, est-ce que oui ou non l'alcool est interdit ou pas. Donc on lui dit, est-ce que pour toi l'alcool c'est haram? Il dit je sais pas. Et tu lui dis, mais tu sais que c'est dans le Coran tout ça. Il dit oui, mais moi j'ai pas le temps, moi j'ai mon travail, moi j'ai mes études, moi j'ai ceci cela. Voilà, ça c'est un exemple donc de mécréance par détournement. Parmi les mécréances par détournement aussi, le fait, et c'est ce qui est le plus répandu aujourd'hui, wallahu a'lam, le fait de s'intéresser aux sciences subsidiaires de l'islam, par exemple se mettre à fond dans l'étude des règles du jarh wa ta'dil, et des règles pour authentifier ou discréditer les hadiths, d'accord, connaître les règles et connaître les biographies des rapporteurs de hadiths, devenir un spécialiste là-dedans, connaître des milliers de hadiths par cœur, mais se désintéresser complètement de la science du tawhid, d'accord. Et lorsqu'on y invite les gens de fait donc à cette science du tawhid et le désavis du taroud, le fait de dire ouais mais ça c'est pas pour nous, ça c'est pour les ulama, ça c'est pas pour nous, ça ceux qui font ça ce sont des qui s'intéressent qu'à ça, etc. Ceci rentre évidemment, et donc ça, ceci les amène à ne pas désavouer les mouchriquines, à ignorer donc le fondement de leur religion, hein. Ceux-là aussi se détournent du tawhid, ils ne s'y intéressent pas, mais ils s'intéressent à des choses qui ne sont pas à la base, qui ne sont pas obligatoires de s'intéresser. Ensuite, la mécréance de Nifaq, el kufr Nifaq, c'est-à-dire l'hypocrisie. Nifaq, c'est le fait, donc, comme nous le verrons, de cacher la mécréance, de garder la mécréance secrète et de montrer aux gens qu'on est monothéiste, qu'on adore qu'Allah uniquement et qu'on suit le prophète, alayhi salatu wassalam, par hypocrisie. C'est-à-dire pour les gens, pour les créatures, pour quelque chose de dunya. Mais en fait, dans son fort intérieur, le munafiq, ou bien en secret, lorsqu'il est seul ou lorsqu'il est avec ses amis, hypocrite, eh bien là, ils sont à ce moment-là mécréants. Le nifaq, sinon c'est le fait, après avoir connu, comme Allah Azza wa Jalla a dit sur les munafiqoun, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. C'est-à-dire, ceci parce qu'ils ont cru et ensuite mécru, Allah a donc scellé leur cœur afin qu'ils ne comprennent rien. Donc le nifaq est précédé toujours de la connaissance de la vérité, puis après faire semblant d'y croire. Donc toutes les formes de mécréance que nous avons citées, lorsqu'on les analyse bien, on remarque qu'elles ne peuvent exister qu'après avoir eu accès à la science. Et puis après, soit on le refuse, on le rejette par démenti ou par orgueil, soit on en doute, soit on ne s'y intéresse pas. D'accord ? Mais tout ceci ne peut exister à la base qu'après avoir connu l'ordre. Je vous donne un exemple. Celui qui vient de se convertir à l'islam, par exemple, et on prend cet exemple-là parce que, à la base, ceux qui sont accusés, ce sont ceux qui viennent de se convertir à l'islam ou qui ont grandi dans un désert lointain ou qui sont nés dans une terre de mécréance sans vivre autour des musulmans, des savants musulmans. Donc ceux-là sont en général ceux qui sont existés pour les choses, pour le fait d'ignorer les choses élémentaires de l'islam. Si quelqu'un donc vient de se convertir à l'islam et il ne sait pas encore, par exemple, que c'est interdit de manger de la viande de mouton qui a été électrocutée, par exemple, il ignore qu'il est obligé de manger de la viande de mouton qui a été sacrifiée au nom d'Allah. Par exemple, lui, tout ce qu'il savait, c'était que les musulmans, ils mangent pas de porc, et à part ça, ben, à part la viande de porc, il croit que c'est halal de manger du mouton, par exemple. Par exemple, moi, au tout début que j'étais musulman, quand je me suis converti à l'islam, il y a de ça plus de 8 ans, ben, je savais pas, en fait, moi, je pensais que juste les musulmans, ils mangeaient pas de porc, mais qu'à part ça, on mangeait du mouton, même si on l'achète au Carrefour ou quoi que ce soit, moi, je savais pas qu'il fallait, par exemple, l'égorger et tout ça. Bon. Est-ce que celui qui est comme ça, celui qui ignore qu'il n'a pas encore appris que seule la viande sacrifiée au nom d'Allah peut être mangée, il croit qu'on peut aussi manger la viande qui a été électrocutée, celui qui ignore que c'est interdit de manger de la viande qui a été électrocutée et donc il pense que c'est halal de manger cette viande, est-ce qu'on dit que cette personne là a démenti Allah Azza wa Jal? C'est une question que je pose aux gens du salon s'ils veulent répondre. Est-ce qu'on dit à celui qui n'a pas encore eu, qui n'a pas encore été mis au courant que Allah Azza wa Jalla lui interdit de manger la viande qui n'a pas été égorgée et qui ne peut pas manger de la viande électrocutée, celui qui ignore ça et qui donc il pense que vu qu'à la base tout est permis jusqu'à preuve du contraire, il se dit je crois que c'est halal, donc j'en mange. Est-ce que cette personne-là il a démenti Allah Azza wa Jalla? Pourquoi ne dit-on qu'il n'a pas démenti Allah Azza wa Jalla alors qu'il dit quelque chose qui est contraire à ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit? Exactement, parce que il n'a pas encore eu la preuve. Le fait de démentir quelqu'un, c'est comment est-ce que ça se passe lorsque quelqu'un dément quelqu'un d'autre? C'est lorsque quelqu'un apprend qu'un tel a dit quelque chose et puis qu'il dit non, c'est pas vrai. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle démentir. Mais par contre, si une personne à la base ne sait pas qu'un tel a dit quelque chose et que donc il dit le contraire de ce qu'a dit un tel, on va pas dire ah, ben, tu démentis un tel. D'accord? C'est la même chose pour le refus et l'orgueil. Le refus et l'orgueil. Celui qui ne sait pas qu'Allah Azza wa Jal lui a ordonné de donner zakat zakat al-mal ou zakat, la zakat sur l'or, etc. Donc il ne sait pas et donc il ne la donne pas. D'accord ? Oui, ça fait partie de l'ilm bid-darura, donc de la science élémentaire. Mais comme je l'ai dit, Tawhid Bruxelles, les choses élémentaires, elles peuvent, comme l'ont estimé les juristes et les savants, les choses élémentaires de la religion, autres que le Tawhid, peuvent échapper à certaines catégories de musulmans, comme les nouveaux convertis ou ceux qui vivent loin des savants. D'accord ? Il se peut que certains d'entre eux ignorent des choses qui sont élémentaires dans d'autres régions. D'accord ? Les choses élémentaires, des fois, c'est un peu relatif. D'accord ? En fonction de certaines personnes, il y a des choses qui sont élémentaires pour certains et qui ne le sont pas pour d'autres. Et ça dépend des régions et des périodes aussi. Des fois, on se retrouve dans des périodes où l'ignorance se fait vraiment propager, ou des fois dans une région où les gens de la bid'a sont ceux qui sont répandus partout, et tu as des gens qui sont élevés sur des principes qui contredisent des choses élémentaires, mais qui n'ont jamais appris autre chose que ça. D'accord ? Et s'ils n'ont pas accès aux livres ou aux savants qui peuvent leur expliquer ce genre de choses des fois, ou qu'ils ne peuvent pas, mais dans ce cas-là, ils peuvent être excusés pour ignorer même les choses élémentaires. D'accord ? Donc le refus également et l'orgueil, ça n'existe qu'après avoir reçu un ordre. On ne dit pas qu'une personne s'est enorgueillie et a refusé d'obéir à un ordre alors qu'il n'est même pas au courant qu'on lui a ordonné cet ordre. D'accord ? Si moi, ma mère, par exemple, me dit « va faire des courses » et je lui dis « non, je ne veux pas faire des courses », ça, c'est un refus. Mais si jamais, moi, je suis au travail et ma mère, elle veut que j'aille faire des courses et que je ne suis pas au courant, ben, quand je rentre à la maison et que je n'ai pas fait des courses, on ne va pas dire « ah, tu as refusé d'obéir à ta mère, j'étais même pas au courant que ma mère m'a ordonné de le faire ». Vous comprenez ? Donc, le refus et l'orgueil n'existent qu'après avoir eu connaissance de l'ordre. Oui, mais celui qui ignore, donc Muslim 2007 dit, c'est contradictoire. Un exemple, une personne qui ne sait pas qu'on ne doit rien associer à Allah le Très-Haut. La différence, c'est que celui qui ignore qu'on ne doit rien associer à Allah le Très-Haut, il ignore l'unicité d'Allah à la base. D'accord ? Or, celui qui ignore l'unicité d'Allah à la base n'est pas musulman dès le départ. Par contre, un musulman qui croit en l'unicité d'Allah et qui a foi en l'unicité d'Allah et en la prophétie de Mohammed a.s., mais qui n'a pas connaissance de tout ce qu'Allah a ordonné, celui-là est musulman, et seul un groupe de khawarij considère mécréant toute personne jusqu'à ce qu'il ait connaissance de tout ce qu'Allah a ordonné. D'accord ? Comme nous le mentionnerons plus tard. D'accord ? Donc il y a une différence évidemment entre celui qui ignore le tawhid d'Allah azawajal et le fait qu'il n'y a de vrai Dieu que lui, et celui qui ignore que Mohammed est le messager d'Allah. Il y a une différence entre celui-là et celui qui a foi en tout ça mais qui ignore certains ordres, certains rituels, certaines lois qu'Allah azawajal a légiféré à la Ummah. D'accord ? Et nous verrons tout cela lorsque nous parlerons de l'excuse par ignorance. Mais donc ceci, c'est pour dire que la mécréance à la base n'existe qu'après la connaissance, que ce soit le refus ou le démenti, comme je viens de l'expliquer, ou le dédain, donc l'i'rad, le fait de ne pas s'intéresser, c'est-à-dire lorsqu'on sait qu'il y a donc ce Coran, qu'il y a l'islam, mais qu'on ne s'y intéresse pas, d'accord. ou l'hypocrisie, le nifar, c'est le fait de faire à cause qu'il vient de se convertir. Regardez bien, qui permet une interdiction alors qu'il vient de se convertir, ou qu'il vit dans un désert lointain. En effet, le statut de mécréant, écoutez bien, le statut de mécréant n'est donné qu'après la transmission du message. Donc le kufr n'existe qu'après boulour al-risala, ce qu'on appelle la transmission du message, la transmission de la science. On ne dit pas qu'une personne, et ça c'est important de faire cette distinction, le kufr n'existe pas avant l'ilm. D'accord ? Et c'est pour ça qu'Ibn Abdelbar, donc, il dit dans At-Tamhid, volume 18, page 42, Al-Kufru man anada la man jahala. Wa hadha qawl al-mutaqaddimin min al-ulama wa man salaka sabilahum min al-mutaakhirin. Donc, c'est-à-dire, la mécréance, c'est le refus et non l'ignorance. Ou, c'est celui qui refuse et c'est pas celui qui ignore. Ça, c'est la mécréance. Et ceci est l'avis des anciens et ceux qui suivent leur doctrine parmi les contemporains. D'accord ? L'ignorance, à la base, quelqu'un qui ignore quelque chose, un rituel ou autre chose qu'Allah Azzawajal a légiféré, qui ignore certaines lois d'Allah ou certaines règles qu'Allah Azzawajal a établies, ou certains jugements sur les choses, qui ignore que l'interdiction de quelque chose ou l'obligation d'autre chose, eh bien, ceci n'est pas une mécréance tant qu'il n'a pas été au courant de cela. Ou par ta'wil, comme le dit Tawfid Bexel. On va parler de tout ça, Inch'Allah, quand on parlera de l'excuse par ignorance, de l'excuse par le... Il y aura, Inch'Allah, un chapitre complet parlant du jah, de l'ignorance, donc du ta'wil, de l'erreur et de la contrainte. On parlera tout ça en détail, Inch'Allah. Et Inch'Allah, ce sera quelque chose de très profitable. D'accord ? Donc, la mécréance n'existe qu'après la connaissance, et ça c'est une règle. Al-kufr la yakun illa ba'd al-ilm. La mécréance n'existe qu'après la connaissance. Par exemple, celui aussi, comme l'exemple, j'en ai déjà donné un, d'accord ? Celui qui ignore que c'est interdit de manger des animaux électrocutés, ou qui ignore que c'est interdit de manger du porc, ou qui ignore que c'est interdit de boire du vin, etc. Et qu'il ignore que le prophète, alayhi salatu wasalam, a enseigné cela, à cause qu'il n'a pas eu le temps encore de l'apprendre, d'accord ? Ou qu'il n'a jamais eu quelqu'un de confiance qui lui a affirmé et qu'il n'a pas eu le temps de le confirmer, d'accord ? Il n'a pas contredit le prophète à ce moment-là par démenti ou par refus, mais par ignorance, d'accord ? Donc, s'il n'a pas eu l'occasion de savoir, ou autre, ce n'est pas une mécréance, d'accord ? Mais par contre, s'il avait la capacité de savoir, mais qu'il ne s'est pas intéressé, d'accord ? Il ne s'intéresse pas de savoir si Allah Azza wa Jalla lui interdit ça ou ça, et donc après il dit, je sais pas si le porc c'est haram, je sais pas si l'alcool c'est haram, je ne sais pas, d'accord ? Il ne dit pas c'est halal, mais il dit je ne sais pas. Le simple fait de douter, c'est du kufr, à partir du moment où tu as eu la capacité de le savoir, d'accord ? Parce que parmi les critères de certains mécréants, c'est qu'ils ne s'intéressent pas au Coran et à la Sunna, ils ne s'intéressent pas à l'islam. Ou comme Allah Azza wa Jalla l'a dit, وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ. Et les mécréants se dédaignent de ce dont ils ont été avertis. Ibn Qayyim nous expliqua que l'Irad, c'est par exemple la personne qui dit je ne dis pas que le prophète est un menteur, et je ne dis pas non plus qu'il dit la vérité, je ne sais pas. Celui-là, il est mécréant, même s'il n'a pas dit que le prophète est un menteur, il n'a pas non plus dit que le prophète dit la vérité. Et le fait de douter que le prophète dise la vérité, c'est du kufr, d'accord ? Ou le fait de dire, je ne sais pas s'il dit la vérité, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais ça ne m'intéresse pas, je ne m'y intéresse pas, j'ai autre chose à faire. Tout ça, c'est du kufr, de détournement, de irad, de dédain. D'accord ? Petite note, maintenant que nous avons vu la définition de la mécréance, et que nous avions vu précédemment la définition du shirk. Donc nous avions dit, le shirk, c'est le fait d'adorer un autre qu'Allah, Azza wa Jal. Et le kufr, c'est le fait de contredire les enseignements du prophète, alayhi salatu wasalam, après en avoir reconnaissance. Le shirk, est-ce qu'il est en rapport avec la science ? Est-ce que le shirk n'existe qu'après la connaissance ? On a vu que le kufr, ça n'existe qu'après avoir eu connaissance de la chose en laquelle on mécroit. Est-ce que le shirk, c'est la même chose ? Est-ce que le shirk aussi n'existe qu'après la science ? Est-ce qu'on dit, par exemple, qu'une personne qui invoque une idole, elle n'a pas fait du shirk que tant qu'elle n'a pas eu connaissance ? Si vous pouviez un peu participer, comme ça. Est-ce qu'on m'entend ? Est-ce que quelqu'un d'autre que Muslim 2007 m'entend ? Donc, d'après vous, est-ce que le shirk, tout comme la mécréance, n'existe qu'après la science ? C'est-à-dire, est-ce que celui qui invoque une idole de pierre, ou qui se prosterne pour le soleil, ou qui... est-ce que celui-là, on dit aussi, le shirk, il n'a pas associé tant qu'il n'a pas eu connaissance ? Il a associé, d'accord ? On est d'accord, il a associé. Donc il existe déjà une première différence entre le shirk et le kufr, c'est que le kufr n'existe qu'après la science, contrairement au shirk. D'accord ? Certains imams maintenant, comme le mentionna entre autres Ibn Hazm, et je mets ça en note parce que c'est un point sur lequel jouent certains genres d'égarés au sujet de l'excuse par ignorance dans le shirk, que nous verrons plus tard, Inch'Allah. Certains imams de l'islam considèrent que le kufr et le shirk, c'est la même chose. D'accord ? C'est entre autres l'avis de l'imam Shafi'i et d'Ibn Hazm. Je vais d'ailleurs, Inch'Allah, lire ce qu'a dit Ibn Hazm à ce sujet. Donc Ibn Hazm a dit, « cherche là-bas. Attendez, je vais retrouver une charge à la parole d'Ibn Hazm. Je pensais que j'avais ici, mais je dois aller la chercher ailleurs. Un instant. Donc Ibn Hazm dit dans Al-Fisal fil Milal wal Ahwa wal Nihal volume 1 page 370 wa ikhtalafa an-nas fil kufr wa ash-shirk fa qala at-ta'ifa hiya asman waqi'an ala ma'nayayn wa inna kullu shirk kufr wa isa kullu kufr shirkan wa qala haula la shirk al-aqwal wa la shirk al-aqwal man ja'ala lillah sharikan qala haula al-yahud wa an-nasara kuffaran la mushrikun وسائر الملل كفار مشركون وهو قول أبي حنيفة وغيره وقال آخرون الكفر والشرك سواء الكفر والشرك وكل كافر فهو مشرك وكل مشرك فهو كافر وهو قول الشافعي وغيره. C'est-à-dire, les gens ont divergé concernant la mécréance et le kufr et le shirk, donc concernant la mécréance et l'idolâtrie. Un groupe a dit que ce sont deux noms qui ont deux significations différentes, et tout shirk est une mécréance, mais ce n'est pas toute mécréance qui est du shirk. Vous entendez toujours? Et ils disent donc le shirk, c'est celui qui donne donc un associé à Allah Azzawajal. Et que les juifs et les chrétiens sont des mécréants mais pas des mushrikoun. Ce sont des mécréants et pas des mushrikoun. Mais que le reste des religions, ce sont tous des mécréants, des mushrikoun. Et ceci est l'avis d'Abu Hanifa. Donc Abu Hanifa considère que les juifs et les chrétiens, ce sont des mécréants mais pas des mushrikoun. Mais d'autres ont dit que le kufr et le shirk sont une seule et même chose, et que tout mécréant est forcément mushrik, et que tout mushrik est forcément mécréant, et ceci est l'avis de Shafi'i et d'autres. D'accord ? Fin de citation d'Ibn Hazm. Donc ici, Ibn Hazm a en effet mentionné que certains ulama considèrent qu'il n'y a pas de différence entre le shirk et le kufr. Mais la réalité, c'est que ceci n'a pas d'incidence, n'a aucun effet dans ce que nous disions. D'accord. Donc la différence, si on venait, en fait, ceux qui disent que le kufr et le shirk sont une seule et même chose, lorsqu'on leur demande en quelle manière, sous quel aspect est-ce que le fait donc de refuser d'obéir à Allah Azzawajal, c'est du shirk, puisque le fait de, comme on a vu, le fait de refuser d'obéir à Allah comme l'a fait Iblis. D'accord, Shaitan, il a dit, c'était donc un kafir, illa Iblis aba wa stakbara wa kana min al kafirin. Donc on leur dit, pourquoi est-ce que Iblis, d'après toi, pourquoi est-ce que l'orgueil et le refus c'est du shirk? Quand on dit ça, celui qui dit que le shirk et le kufr c'est la même chose, il répond, parce que lorsque tu refuses d'obéir à Allah, tu adores qui? Tu adores ta hawa. Comme Allah Azza wa Jalla a dit, alam tara illa alladhi takhadha ilahahu hawa. N'as-tu pas vu celui qui a fait de son désir, de sa hawa, son dieu, sa divinité? Vous m'entendez? Donc ça, c'est ça qu'ils te répondent quand ils te disent que le kufr et le shirk c'est la même chose. Donc quand tu lui dis, en quoi est-ce que celui qui refuse d'obéir à Allah, ou en quoi est-ce que celui qui dément Allah a-t-il fait du shirk? D'accord? Lorsqu'on demande en quoi est-ce que celui qui dément Allah, ou en quoi est-ce que celui qui refuse d'obéir à Allah, en quoi est-ce qu'il a fait du shirk, il te répond, c'est parce qu'il a adoré sa hawa, ou bien parce qu'il a adoré Shaitan. C'est dans ce cas-là qu'il est mouchrik. Le fait est que, si on en vient à dire ça, si on venait à dire que cet avis est juste, et en réalité cet avis n'est pas une bid'a, d'accord, puisque certains ulama de l'islam l'ont eu, ce n'est pas une bid'a, mais c'est juste que certaines personnes jouent sur cette divergence pour prétendre que le mushrik peut être excusé par ignorance, étant donné que les ulama donnent l'excuse par ignorance à celui qui commet du kufr. D'accord? Donc ils disent Mais de toute façon, toute personne qui fait du kufr, il a fait du shirk et pourtant on l'excuse par ignorance. D'accord ? On lui dit, pourquoi est-ce que donc celui qui refuse d'obéir à Allah, il a fait du shirk, ils disent parce qu'il a obéi à sa hawa. Alors à ce moment-là, on demande, mais en quoi est-ce que obéir à sa hawa, c'est du shirk ? À partir de quand est-ce que c'est du shirk ? Est-ce que toute personne qui obéit à sa hawa fait du shirk ? La réponse est non. Parce que si c'était vrai, ben celui qui fait zina, il a fait du shirk. Est-ce que celui qui fait zina, c'est un mushrik ? On parle de shirk akbar. Hein. Ne venez pas dire c'est du shirk asrar ou non, on parle de shirk akbar. Est-ce que le fait de faire zina, c'est du shirk akbar ? Donc en quoi est-ce que le fait d'obéir à son nefs, c'est du shirk ? À partir de quand est-ce qu'obéir à son nefs, c'est du shirk ? Du shirk, des fois obéir à sa hawa c'est juste un péché, comme le fait d'obéir à sa hawa lorsqu'on boit du vin ou lorsque on fait zina par exemple. Alors la musulmane 12 répond, à partir du moment où on commet du shirk par les passions, c'est en effet une forme c'est une manière de prendre sa hawa comme divinité, c'est de suivre sa hawa en faisant du shirk. Mais il y a deux manières donc de prendre sa hawa comme divinité. Soit c'est en fait ce qu'on appelle le shirk dans l'obéissance, ash-shirk ta'a. Le shirk dans l'obéissance, c'est le fait d'obéir à son nefs ou d'obéir à shaitan ou d'obéir à un gouverneur dans le shirk dans l'obéissance, c'est la même chose. D'accord ? Voilà, s'il rend halal, zina c'est du shirk. D'accord ? Exactement ça. Donc le shirk dans l'obéissance, ça a deux aspects. Soit c'est le fait d'obéir à un autre qu'Allah en faisant ce qui est en soi du shirk, c'est-à-dire le fait d'obéir à un autre qu'Allah en offrant un sacrifice à un autre qu'Allah. Le fait d'obéir à un autre qu'Allah en invoquant le secours des morts, par exemple. Si ta hawa, elle t'inspire d'invoquer le secours du prophète, dans sa tombe, etc. Alors là, si jamais tu obéis à ta hawa, tu as fait du shirk. Parce que le fait d'invoquer le secours du prophète, après sa mort, c'est du shirk en soi. Ou alors, c'est le fait d'obéir à sa hawa dans le fait de contredire Allah Azzawajal en connaissant ce qu'Allah Azzawajal a dit. Par exemple, c'est le fait de savoir que ta hawa, elle contredit ce qu'Allah Azzawajal a dit, mais de considérer que c'est ta hawa qui a raison. Ou le fait de savoir que les savants qui donnent des fatwas contraires à l'islam ou contraires à la vérité, le fait de savoir que ces savants-là, ils ont changé la religion d'Allah, mais malgré ça, tu les suis en croyant qu'ils ont raison. D'accord ? Par exemple, comme l'expliquait Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dans Kitab al-Iman, le verset où Allah a dit ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, c'est-à-dire ils ont pris leur rabbin et leur moine comme seigneur en dehors d'Allah. Ibn Taymiyyah a expliqué qu'il y a deux manières. Il a expliqué trois manières, je vais juste mentionner les deux premières, ce sont celles qui nous intéressent ici. Il y a deux manières d'obéir aux rabbins et aux moines. Et les rabbins et les moines, ça représente autant les ulama que les gouverneurs et les lois humaines, d'accord ? Le fait d'obéir aux lois humaines ou le fait d'obéir aux gouverneurs etc., ou aux savants du mal, cela peut avoir deux aspects. Soit c'est en sachant, premier aspect c'est savoir qu'ils ont changé la religion d'Allah. Donc savoir qu'Allah a dit quelque chose et qu'eux ils ont dit autre chose que ce qu'Allah a dit. Et malgré ça, donc obéir à ces savants-là dans leur jugement. C'est-à-dire eux ils ont dit que c'est halal, et bien on va dire que c'est halal parce que les savants l'ont dit. Même si Allah a dit autre chose, ces savants-là ils comprennent mieux ou je sais pas quoi. D'accord ? Ça c'est du shirk dans l'obéissance. Et la deuxième façon d'obéir à ces gens-là, c'est de savoir qu'ils ont contredit le livre d'Allah, mais en reconnaissant qu'on a tort de le faire, on suit leurs ordres. Par exemple, ils te disent de boire du vin, et toi, bois du vin en sachant que tu as tort et qu'Allah l'a interdit. Alors, d'accord, et en détestant cette désobéissance envers Allah Azzawajal, mais par passion, par désir intense, on boit cet alcool par exemple. C'est le cas par exemple de ceux qui boivent l'alcool ici ou qui fument des drogues ici en France ou en Belgique, parce que les lois ici n'interdisent pas de boire de l'alcool, etc. Ils ne le font pas quand ils boivent d'alcool ici, même si la loi ici le permet, ils ne boivent pas donc ce vin en croyant que c'est halal. Donc ce n'est pas du shirk. Ce n'est pas du shirk de boire du vin dans un pays où le vin est halal, où le vin est permis par la loi. D'accord ? Mais par contre, le fait de croire que comme ici, on est en France, donc ici, la loi d'Allah, elle ne s'applique pas, le vin, il est permis, ici, il n'y a pas de mal, c'est halal, ça, évidemment, ça devient du shirk dans l'obéissance. D'accord ? Eh bien, c'est la même chose. Le fait, donc, d'obéir à... le fait d'obéir à son nefs, le fait d'obéir à son nefs, c'est du shirk akbar. Donc lorsqu'on refuse, lorsqu'on sait qu'Allah Azza wa Jalla t'a ordonné quelque chose et que soit, malgré ça tu refuses ou que tu le dément. Et si jamais on en vient à dire que donc le kufr c'est du shirk sous cet aspect là, eh bien le problème reste le même, c'est que une personne qui ignore qu'Allah Azza wa Jalla a interdit telle chose ou ordonné telle chose et que donc il pratique le contraire, eh bien on ne peut pas dire qu'il a pris sa hawa pour divinité, parce que jusqu'à preuve du contraire, sa hawa ne l'a pas inspiré à contredire une chose qu'il sait que c'est interdit par Allah. D'accord. Donc le fait de dire que le kufr et le shirk c'est la même chose, ça ne change pas grand chose au problème. Disons juste qu'à ce moment-là, si on, dans l'esprit on venait dire que le shirk et le kufr c'est la même chose, eh bien toutes les catégories de kufr que nous avons mentionnées, donc le démenti, le refus, l'orgueil, etc., eh bien ce sont des formes de shirk qui n'existent qu'après la connaissance. D'accord. Et ça c'est dans l'hypothèse où nous disions que c'était la même chose, mais la vue authentique, comme nous l'avons vu, c'est que ce n'est pas la même chose, c'est qu'il existe une différence, d'accord. Et parmi cette différence, c'est que le shirk existe avant la connaissance et que le kufr n'existe qu'après la connaissance. Comme on l'avait vu, celui qui adore un autre qu'Allah, celui qui adore une idole ou qui se prosterne pour le soleil, etc., eh bien, il fait du shirk et il l'associe à Allah, même s'il ignore cela. Une remarque aussi, celui qui insulte Allah ou son messager, est-ce que c'est du kufr ou est-ce que c'est du shirk, selon ce que nous avons dit maintenant? Milsad nous dit c'est du kufr. Sarah, hein, nous dit c'est du kufr. C'est du kufr, effectivement. Est-ce qu'on va dire à ce moment-là que celui qui insulte Allah n'est mécréant qu'après avoir eu connaissance? Nous dit oui. Donc d'après toi, muslim 2007, celui qui insulte Allah, il ne sort de l'islam qu'après avoir eu connaissance, ou bien tu veux dire qu'il est mécréant qu'après avoir eu connaissance? Ça leur conseille de ne pas répondre si on ne sait pas, c'est mieux. Et c'est vrai. La réalité, c'est que c'est qu'à la base, c'est pas possible d'insulter Allah par ignorance. C'est-à-dire que celui qui insulte Allah, c'est forcément qu'il est en train d'insulter Allah. D'accord? Donc, Muslim 2007 nous dit, il est mécréant après avoir eu connaissance. Est-ce que d'après toi, si, dans l'hypothèse où il n'a pas connaissance, est-ce qu'il est musulman? Donc, Muslim nous dit non. Et bon, d'accord. Ça, alhamdulillah, donc les choses sont claires. La réalité, c'est que lorsque tu insultes Allah, est-ce qu'il est possible, je vous demande la question, est-ce que c'est possible d'insulter une chose qu'on ignore? Si tu ignores qu'une chose existe, comment tu fais pour en parler? En bien ou en mal? Quand tu ignores que quelque chose existe, est-ce qu'il est possible pour toi d'en parler en bien ou en mal? Quand tu ignores qu'une chose existe? Donc forcément, celui qui insulte Allah sait qu'il est en train d'insulter quelque chose. D'accord, qu'il sait de quoi il est en train de parler, forcément. D'accord, s'il insulte Allah, on ne peut pas dire qu'il ignore. Il sait qu'il est en train d'insulter Allah. Celui qui insulte le prophète, celui qui insulte le prophète Mohammed alayhi salatu wasalam, comme ceux qui le traitent de pédophile, comme on entend des fois, qu'Allah les maudisse à tout jamais, il est impossible qu'il parle de la sorte du prophète s'il ignore qu'il existe. D'accord. Donc à la base, il n'existe pas quelqu'un qui insulte Allah ou son messager qui soit ignorant. Au pire, il ignore. Oui, mais c'est une mécréance en soi. Je veux dire qu'il ne peut. C'est une mécréance donc qui n'existe, qui ne peut, qui ne, ça n'existe pas quelqu'un qui insulte Allah sans savoir qu'il est en train d'insulter Allah. Sauf si c'est un fou ou un majnoun ou autre. D'accord. Ou quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'il est en train de dire, qui ne sait pas ce que ça veut dire ce qu'il est en train de dire, ou sous la contrainte. D'accord. Mais même, Salah, celui qui insulte Allah sous la contrainte, on ne dit pas qu'il ignore. On ne dit pas qu'il ignore ce qu'il dit ou qu'il ignore de quoi il parle. D'accord, il a connaissance, mais lui, il ne devient pas mécréant parce qu'il est contraint, d'accord. Donc ça n'existe pas quelqu'un qui insulte Allah par ignorance. La seule chose qu'il est possible, qu'une personne qui insulte Allah, tout ce qu'il a, il est possible qu'il ignore juste une chose, c'est qu'il ignore que ça le fait sortir de l'islam. Ça, c'est possible. Donc il sait qu'il insulte Allah, mais il ignore qu'en faisant ça, il sort de l'islam. Ça, oui, c'est possible. Mais à ce moment-là, il ignore donc le jugement d'Allah sur ce qu'il est en train de faire, d'accord. Mais ça, c'est encore autre chose, d'accord. Donc toute personne qui insulte Allah son messager est forcément mécréant. Et il n'y a pas besoin d'apporter des preuves. Muslim de Missel dit sous la colère, la réponse est que ça, cela mérite d'être détaillé, d'accord. C'est, la colère, cela n'est pris comme une excuse que si jamais cette colère cause l'inconscience, c'est-à-dire que la personne ne sait plus ce qu'elle dit. Mais si jamais la colère n'arrive pas à ce niveau-là, ce n'est pas une excuse, ça n'en empêche pas de sortir de l'islam. Nous allons voir la définition du kufr d'après certains mubtadi'a, d'après certaines sectes hérétiques. D'après les khawarij et les mu'tazila, la mécréance c'est la désobéissance. Celui qui désobéit à une obligation est un mécréant. Et ils ne font pas différence entre ce qui est une désobéissance qui atteint le niveau du kufr ou ce qui n'atteint pas le niveau du kufr. Pour eux, toute personne qui désobéit à Allah et son messager est un mécréant. D'après les Jahmiyyah et les extrémistes Murji'a, la mécréance est l'ignorance. Celui qui connaît son Seigneur est un croyant et celui qui l'ignore est un mécréant. D'après les Asha'ira, la mécréance est le démenti et le reniement. Celui qui reconnaît la vérité est un croyant même s'il ne l'accepte pas. Les Fuqaha, donc pour eux, la mécréance est le démenti et le mépris. D'après les Fuqaha, d'après les Murji'a al-Fuqaha, la mécréance c'est le démenti et le mépris. Et les Murji'a contemporains, d'après eux, la mécréance c'est le démenti et le reniement. D'après eux, celui qui insulte Allah sans croire en ce qu'il dit, il reste musulman. Il doit être corrigé avec deux ou trois coups de bâton. Ça, c'est ce que disent les Murji'a contemporains. Donc pour eux, la mécréance c'est uniquement le fait d'avoir envie de devenir mécréant. Ou bien c'est le fait d'avoir envie de rabaisser Allah. D'accord. Par contre, celui qui insulte Allah parce que c'est l'habitude dans le pays, parce que il est mal élevé et que il insulte Allah en jouant au billes ou autre, ben pour eux, celui-là il reste musulman. Il doit juste être puni avec un ou deux ou trois coups de bâton, comme le dit Al-Albani. Donc d'après eux, insulter Allah c'est de la mécréance mineure. Bon, les points à retenir, la mécréance donc ça consiste à s'opposer à l'enseignement du prophète après l'avoir connu. La mécréance ne peut être qu'envers ce que l'on connaît et non envers ce que l'on ignore. Lorsqu'un musulman monothéiste fait, dit ou croit quelque chose contredisant, et je dis bien lorsqu'un musulman monothéiste, donc un musulman qui n'adore qu'Allah uniquement, lorsqu'il fait ou dit ou croit quelque chose contredisant un enseignement du prophète sans s'en rendre compte, que ce soit par ignorance ou mauvaise compréhension d'un texte, il n'est pas mécréant tant que la preuve ne lui est pas présentée. Deux ou trois coups de bâton. Ils disent donc les Murji'a, c'est ce qu'a dit Al-Albani, il a dit ceux qui insultent Allah par mauvaise éducation, ils doivent recevoir donc un ou deux coups de bâton. Deux ou trois coups de bâton. Donc musulmans et monothéistes, ça va ensemble, évidemment ça va ensemble, mais c'est juste pour préciser, pour certaines personnes bizarrement te disent qu'on peut être musulman et mouchrik. Il y a bizarrement des personnes qui te disent qu'on peut être musulman et mouchrik. Oui, je sais qu'on ne peut pas dissocier les deux termes, mais malheureusement il y en a qui arrivent à le faire. Comment, je ne sais pas, mais en tout cas il y en a qui le font, ça je te l'assure, et c'est pour ça donc que je fais cette précision. Donc ce que nous avons dit pour la mécréance n'est pas valable en ce qui concerne le shirk. Celui qui commet le shirk, il sort automatiquement de l'islam, puisque l'islam c'est le fait de ne pas faire de shirk. Alors que celui qui tombe dans la mécréance ne sort pas forcément de l'islam automatiquement, il peut être excusé par l'ignorance ou par l'erreur. Donc il existe une différence entre le shirk et la mécréance. Et même si on dit qu'il existe un rapport de cause à effet entre les deux, c'est-à-dire comme j'avais dit tout à l'heure, même s'il est vrai que quand celui qui se refuse d'obéir à Allah, en fait il a pris sa hawa comme divinité, donc il commet du shirk, et que donc le kufr, lorsqu'il existe, il est causé par le shirk, eh bien ça ne veut pas dire pour autant que les deux choses sont semblables. Donc le shirk c'est le fait d'adorer un autre qu'Allah, que ce soit par ignorance ou non, alors que la mécréance cela signifie rejeter la vérité après qu'elle soit venue. D'accord ? Donc la mécréance n'existe donc qu'après que la preuve ne soit parvenue, alors que le shirk existe même avant que la preuve ne parvienne. Je vais inshallah arrêter le cours ici pour l'instant. Alors pour cela, donc il y a une chose qui est importante à saisir. C'est qu'il faut faire la différence entre trois choses. Premièrement, donc celui qui donc il faut faire la différence premièrement, avant de parler de ces trois choses, je vais dire, entre la haine des mouchrikoun dans le cœur, ce qu'on appelle al-bourd. Le bourde, c'est le contraire de l'amour, donc c'est la haine qui se trouve dans le cœur, et ce qu'on appelle al-adawa. Al-adawa, ça vient du terme arabe adwa. Al-adwa, c'est le nom qu'on donne lorsqu'il y a une rivière et qu'il y a deux, donc la rivière, il y a deux rives, d'accord. Il y a la première rivage et l'autre rivage, d'accord. Chaque rivage, ça s'appelle en arabe adwa. Allô, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Donc, al-adawa. comme l'explique Cheikh Ishaq al-Cheikh. Ishaq ibn Abdurrahman ibn Hassan. Ishaq al-Cheikh a dit dans Durar al-Sunya volume 8 page 305, il dit wa ma'na al-adawa an takuna fi 'adwa wa diddu fi 'adwatin ukhra. C'est-à-dire al-adawa, c'est le fait de montrer aux non-musulmans que toi tu es sur une rive et que l'autre il est sur une autre rive. Al-adawa, c'est le fait de montrer aux musulmans que tu n'es pas sur sa religion. Oh, c'est le fait de montrer aux non-musulmans que tu n'es pas sur sa religion, que tu es différent de lui. Al-adawa, ça ne signifie pas forcément le fait d'insulter le mécréant, ni le fait d'être gentil avec lui. D'accord ? Ni le fait d'être méchant avec lui. Al-adawa, ça n'implique pas d'être méchant envers un mécréant, ou de mal lui parler, ou de lui parler avec sévérité, ou de l'insulter. Al-adawa, ça signifie le fait de montrer aux mécréants que tu n'es pas sur la même chose que lui. Parmi les preuves que l'adawa, ça signifie pas forcément le fait d'être méchant avec le mécréant ou de lui parler mal ou avec dureté, c'est que Allah Azza wa Jalla a dit وَلَا تُجَادِلُ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنَ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. C'est-à-dire, et ne parlez aux gens du livre qu'avec, que de la meilleure manière, sauf ceux qui ont été injustes envers vous. D'accord ? Et le prophète A.S.A. se comportait avec gentillesse envers son oncle Abu Talib. D'accord ? Et le musulman qui a des parents mécréants, il doit se montrer respectueux envers ses parents et se montrer doux avec eux et leur parler gentiment, d'accord. Malgré ça, malgré cela, nous savons que cela ne contredit pas al-adawa. Et nous savons que lorsque le prophète al-Salam se montrait gentil avec Abu Talib, cela ne contredisait pas al-adawa. Donc al-adawa, c'est le fait de montrer au non-musulman que tu n'es pas sur la même chose que lui, que tu n'es pas sur la même religion que lui, que vous n'avez pas le même mode de vie. Parmi les modes de adawa, le fait d'inviter un mécréant à l'islam, c'est une façon de lui montrer que tu n'es pas sur la même chose que lui. Quand tu fais da'wa à un kafir à l'islam, tu lui montres, c'est une forme de adawa. D'accord ? Vu que tu l'incites à quitter ce sur quoi elle est pour te rejoindre sur ta rive à toi. Ce qui montre que tu considères que vous n'êtes pas sur la même chose. Le fait de se différencier d'eux, le but de porter la barbe par exemple, c'est de se différencier d'eux. C'est une forme de adawa. D'accord ? Tout ça, donc le fait d'avoir l'adawa, c'est le fait c'est une expression de la du bourde, de la haine qu'il y a dans son cœur envers eux, mais cette haine ne signifie pas la méchanceté envers eux, mais cela signifie au contraire juste de leur montrer qu'on n'est pas sur la qu'on n'a pas la même religion, qu'on n'est pas sur la même chose. Et puis, cette adawa, des fois, si Allah l'ordonne, elle peut être accompagnée de guerre ou de dureté. Par exemple, lorsqu'Allah azawajal ordonne de combattre les mushrikoun, à ce moment-là, l'adawa sera de faire la guerre contre eux. D'accord ? Donc, ça dépend de ce qu'Allah azawajal ordonne. Ça dépend de la manière dont Allah azawajal nous a décrit l'adawa en fonction des différents contextes. Mais l'adawa, à la base, elle est toujours présente, que ce soit avec ceux avec qui on fait la guerre ou que ce soit avec ceux avec qui on ne fait pas la guerre. L'adawa, elle doit toujours être présente dans la mesure du possible. Ensuite, on va parler de la personne qui ne manifeste pas l'adawa. Donc, qui haït les mécréants dans son cœur, mais qui ne leur montre pas, qui ne montre pas qu'il ne se différencie pas d'eux physiquement, d'accord ? Il ne leur fait pas da'wa, ou il rase sa barbe, il s'habille comme eux, etc. D'accord ? Donc celui-là qui n'exprime pas de adawa, celui-là, comme nous allons le voir, il n'est pas mécréant, mais il est dans un grand péché. Et je vais, inshallah, vous lire une citation de Cheikh Abdel Latif Ali Cheikh à ce sujet. Abdel Latif Ali Cheikh a dit: la question de manifester la haine n'est pas la même chose que le fait de haïr en soi. Donc le fait de manifester, donc al-adawa, ce n'est pas la même chose que la haine. En effet, pour la question de manifester sa haine, il se peut que la personne soit excusée, soit parce qu'elle est impuissante, soit parce qu'elle a peur. Allah Azza wa Jalla a dit illa an tattaqu minhum tuqa, c'est sourate 3 verset 28, c'est-à-dire à moins, sauf si vous cherchez à vous protéger d'eux. Quant au fait de haïr al-bourd, ceci est impératif et cela fait partie du désaveu du tawhid. Le fait de haïr le tawhid et de haïr les mushrikoun dans son cœur, ça fait partie du désaveu du tawhid. Et il y a entre l'amour d'Allah et de son messager et la haine du tawhid un lien absolu. Un croyant ne peut s'en séparer. Celui qui délaisse la manifestation de la haine envers le tawhid, il désobéit à Allah. Il désobéit à Allah. Lui, c'est donc le fait de ne pas montrer aux mushrikoun et aux tarout, de ne pas manifester la haine qu'on a envers eux. Ceci, c'est une désobéissance envers Allah Azzawajal. Si le fondement de la haine est quand même présent dans le cœur, alors cette personne-là sera un pécheur monothéiste. Et si en plus de cela, il ne fait pas hijra, alors ce sera encore pire comme péché. Allah Azzawajal a dit: Inna alladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leurs âmes en disant: où en étiez-vous à propos de votre religion, ou plutôt dans quel camp étiez-vous? Ils disent: nous étions en puissance sur terre. Les anges leur diront alors: la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Voilà bien ceux dont le refuge sera l'enfer, et quelle mauvaise destination. Sourate 4 verset 97. Mais il ne devient pas mécréant. Donc Abdel Latif Al-Cheikh dit: mais il ne devient pas mécréant. En effet, ce verset inclut une menace mais pas une excommunication. Ce verset, c'est une menace mais pas un takfir. Quant au deuxième, celui qui n'a pas de haine même dans son cœur, celui-là est inclus dans ce que dit celui qui pose la question: il n'a pas d'haine envers les mouchriquines. Ceci est une chose très grave, un immense péché, quel bien peut-il rester en quelqu'un qui n'a aucune haine envers les mouchriquines? Fin de citation. Il n'a pas de haine envers les mouchriquines dans son cœur du tout, il n'est pas musulman. Ensuite, pour celui qui donc ne désavoue pas de par la parole le tarout ou les mécréants, ceci, ça peut avoir deux cas de figure. Soit il ne dit pas de sa langue: ce sont des koufars. Il dit: je ne le dis pas, mais il ne dit pas non plus: ce sont des musulmans. Il dit rien. D'accord? Il dit: je dis rien. Pas dans le sens où il doute. Pas dans le sens où il dit: je ne sais pas si ils sont mécréants musulmans. Et dans le sens où il veut pas le dire. Il veut pas le dire parce qu'il a peur d'eux, par exemple, ou quoi. Celui-là, tant qu'il n'affirme pas leur islam, il n'est pas coupable d'avoir fait du kufr. Sulayman Ali Cheikh a dit: wa amma qawlu sa'il فإن كان يقدر بنفسه أن يتلفظ بكفرهم وسبهم ما حكمه فالجواب لا يخلو ذلك عن أن يكون شاكا في كفرهم أو جاهلا به أو يقر بأنهم كفر هم وأشباههم ولكن لا يقدر على مواجهتهم وتكفيرهم أو يقول غيرهم كفار لا أقول إنهم كفار فإن كان شكا في كفرهم أو جاهلا بكفرهم بينت له الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على كفرهم، فإن شك بعد ذلك أو تردد فإنه كافر بإجماع العلماء على أن من شك في كفر الكافر فهو كافر، وإن كان يقر بكفرهم ولا يقدر على مواجهتهم بتكفيرهم فهو مداهن لهم، ويدخل في قوله تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون، وله حكم أمثاله من أهل الذنوب. وإن كان يقول أقول غيرهم كفار ولا أقول هم كفار فهذا حكم منه بإسلامهم، إذ لا وسطة بين الكفر والإسلام، فإن لم يكونوا كفارا فهم مسلمون، وحينئذ من سمى الكفر إسلاما أو سمى الكفار مسلمين فهو كافر فيكون هذا كافرا. Fin de citation. Donc dans Droit Sunnia, volume 8, page 160-161. Donc en français. Quant à la question, s'il n'est pas capable de lui-même de prononcer leur apostasie, donc de sa langue, ni de les rabaisser, quel est son statut? La réponse est que cette personne ne peut qu'être dans l'une de ces trois situations. Soit il doute de leur mécréance ou l'ignore. Soit il avoue en son fort intérieur qu'eux et leurs semblables sont mécréants, mais il n'est pas capable de les affronter et de les juger mécréants. Soit qu'ils disent « D'autres que ceux-là sont mécréants, mais je ne dis pas que ceux-là sont mécréants. » Donc, s'ils doutent de leur mécréance ou ignorent leur mécréance, on lui expose alors l'épreuve du livre d'Allah et de la sunna du messager, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Puis, s'ils doutent encore après cela ou hésitent, c'est un mécréant à l'unanimité des savants, selon lequel celui qui doute de la mécréance du mécréant est un mécréant. Par contre, s'il avoue leur mécréance, mais qu'il n'est pas capable de les affronter et de les juger mécréants, alors c'est qu'il transige, et Allah, Azzawajal, a dit « Waddu la utudhinu fayudhinun », c'est-à-dire ils aimeraient bien que tu transiges avec eux, afin qu'ils transigent avec toi, sourate 68, verset 9. Il aura alors le statut des pécheurs, donc des désobéissants, des musulmans désobéissants. Et s'il dit d'autres que ceux-là sont mécréants, mais je ne dis pas que ceux-là sont mécréants, il les a alors jugés musulmans, car il n'y a aucun intermédiaire entre l'islam et la mécréance. Et s'ils ne sont pas mécréants, c'est qu'ils sont musulmans. De ce fait, il a donné à l'islam le nom de mécréance et donna aux mécréants le nom de musulmans. C'est donc un mécréant. Fin de citation. Donc, celui qui ne déclare pas de la langue, qui ne fait pas le takfir de la langue sur une personne mécréante par peur ou autre, ceci n'est pas une mécréance tant qu'ils n'affirment pas leur islam non plus. Et tant qu'il n'a pas de doute. C'est-à-dire, il sait que ce sont des mécréants, il l'avoue, mais il n'ose pas le dire devant les gens. Mais il ne va pas pour autant non plus dire qu'ils sont musulmans. Donc il ne va pas montrer le contraire de ce qu'il croit. D'accord ? Mais il ne montre rien, il ne dit rien. Ceci, eh bien, si jamais il est vraiment en état de peur ou autre, moindre que la contrainte, hein, donc il est en état de peur, genre, il sait qu'il est dans un endroit où s'il dit ce genre de choses, il risque la prison ou des choses comme ça. Il n'est pas dans le péché, mais il doit s'exiler s'il est capable. D'accord ? Et s'il ne s'exile pas, eh bien, il est dans le péché. Et si jamais il est capable de le faire et qu'il ne le fait pas, il est aussi dans le péché. Par contre, s'il déclare qu'ils sont musulmans alors qu'il sait qu'ils sont mécréants, ça c'est encore pire évidemment. Ça, il ne faut aucun doute que c'est un mécréant. Donc s'il sait qu'ils sont mécréants mais il dit qu'ils sont musulmans, ceci c'est du kufr akbar. D'accord ? Car il nomme l'islam mécréant, c'est la mécréance islam. D'accord ? Est-ce que cette réponse elle est claire ? Voilà, Allahu a'lam. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Il y a divergence entre les savants sur ceux qui jugent par les lois forgées. Franchement, je préfère savoir exactement qu'est-ce qu'il dit avant de... Fardain 92, salam alaikum. Je voudrais te prévenir que la réponse à ta question sur le divorce à l'amiable, on l'avait fait la dernière fois, mais t'étais pas là. Mais normalement, le frère Salah, il va donc le mettre, inshallah, sur son site. J'essaie d'apporter une réponse un peu plus complète à cette question, Inch'Allah, la prochaine fois. Quel est le statut de ceux qui disent qu'il y a divergence entre les savants sur ceux qui jugent par les lois forgées? Il existe vraiment des paroles assez bizarres de certains savants à ce sujet. Mais oui, on l'a enregistré Fardain à ce sujet, mais je ne pense pas que ces paroles-là veulent dire que ces savants-là considéraient que ce n'était pas de la mécréance. Mais non, Ibrahim Ali, non. Donc ils disent par exemple que certains savants ne rendent pas mécréants ces gouverneurs, donc ils disent qu'il y a deux avis. Il n'y a pas deux avis à ce sujet. Aucune divergence n'est acceptable là-dedans. Il y a unanimité des musulmans à ce sujet. Plus d'un savant l'a mentionné, mais Ibn Kathir, entre autres, rapporte l'unanimité des musulmans sur la mécréance de celui qui recourt à une autre loi que celle d'Allah Azzawajal. Que dire de celui qui instaure cette loi? En résumé, ça donne quoi? C'est du shirk. Est-ce que le fait donc de faire un divorce à l'amiable, est-ce que c'est du shirk? On avait expliqué qu'il y avait une différence entre le tahakkum et le sulh, donc une différence entre le fait de recourir au jugement du tarout et entre le fait de demander à un mécréant de réconcilier deux personnes sans pour autant juger. D'accord? On avait détaillé qu'il y avait une différence entre les deux, que l'un était du shirk et que l'autre était permis en islam. Donc de faire la paix, que ce n'était pas du tahakkum, ce n'était pas une façon de prendre un juge autre qu'Allah Azzawajal. Le fait de faire quelque chose à l'amiable, de faire un arrangement à l'amiable entre deux personnes, ce n'est pas du tahakkum. C'est ça en résumé ce qu'on avait vu. Mais après, je crois que cet audio il dure plus d'une heure, donc je te propose d'écouter, mais pas redonner tous les arguments que j'avais exposés. Inch'Allah. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais quitter, Inch'Allah. Si on peut me l'envoyer, demande à Salah, s'il ne veut pas l'envoyer, Inch'Allah. D'accord ? Il n'y a pas d'autres questions ? Je peux vous quitter, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème, je peux vous quitter. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bon, pour la question de la sœur musulmane, si X a connu Y comme étant quelqu'un qui ignore le tawhid, il doit donc juger que c'est quelqu'un qui ignore le tawhid, qui n'est pas musulman. Si par la suite Y a appris le tawhid mais que X n'est pas au courant, X il n'a aucune raison de s'imaginer que Y est devenu musulman en son absence, d'accord? Donc lui, il va se baser sur la dernière chose qu'il a connue d'elle jusqu'à ce qu'une preuve du contraire lui parvienne. Ça c'est la règle de base, d'accord? Les choses elles restent comme elles sont jusqu'à preuve du contraire. Si maintenant X, donc maintenant tu dis X le sait maintenant mais il ne veut pas y croire, à ce moment-là il y a deux possibilités. Soit X, on lui a dit, mais ceux qui lui ont dit, ils considèrent que ce sont des personnes qui ne sont pas fiables, ce sont des menteurs, ou que ce sont des gens qui racontent n'importe quoi ou autre, ou des gens qui comprennent mal ou qui ont mal compris ce qu'il a dit. Ça, dans ce cas-là, il n'est pas blâmable pour ça, mais à ce moment-là il doit confirmer. Mais si jamais il sait qu'elle a vraiment fait ça mais qu'il n'accepte pas ça, celui-là, à ce moment-là, il va de soi qu'il est injuste en faisant ça. D'accord? Pour ce qui est de la question de Salah, est-ce qu'aujourd'hui, dans les terres de mécréance, que le Qamis, etc., ce sont des signes distinctifs d'Islam? Je vais dire, maintenant en France, les Français, ou en Belgique, si les Belges, si ça devenait une mode portée par tout le monde, même par les mécréants, de porter le qamis. Maintenant, le fait de porter le qamis dans la rue, même les mécréants, ils le faisaient, ça devient un genre, une mode. Genre, les mécréants, à force de voir des gens porter des beaux qamis et tout ça, ils se disent, ah, c'est quand même pas mal comment ils s'habillent, ces gens-là et tout ça. Et qu'à ce moment-là, même les mécréants, tu les vois tous s'habiller comme ça, avec des qamis et tout ça. Alors là, je ne pourrais, moi, personnellement, je ne serais plus capable de dire que le qamis est un signe distinctif. D'accord? Puis il y a des choses. Oui, mais c'est un mais ça reste que quelques mécréants qui le font. Et puis, il y a des mécréants, genre les talafis qui portent des qamis, ce sont des mécréants, d'accord? Mais à la base, ils le font en tant qu'affiliation à l'islam. À la base, ces gens portent le qamis en tant qu'affiliation à l'islam. Ils portent le qamis pas par mode, mais plutôt pour affirmer un islam. Après, le fait que leur islam ne soit pas soit invalidé par d'autres choses, par leur shirk et leur adoration des tawarites, c'est un autre problème. Mais à la base, ils portent le qamis pour affirmer leur appartenance à l'islam. C'est la même chose pour le voile. Le hijab, c'est aussi un rituel que les femmes musulmanes à la base font par obéissance aux lois islamiques. D'accord. Après, si des femmes portent le voile par mode, c'est autre chose, mais le principe, c'est qu'on fait ça pour se, par obéissance à l'islam. Donc, le qamis, le qamis, le hijab, etc. Moi, ces choses-là, tant que ce n'est pas une chose qui est même portée par les mécréants de base, donc qui ne s'affilient même pas à l'islam, mais qui le portent par mode, à ce moment-là, moi, je considère que tant qu'on n'en est pas dans cette situation-là, celui qui porte le qamis, jusqu'à preuve du contraire, il s'affilie à l'islam. Le même pour le hijab. Donc après, il y a les choses comme le salam, le fait de dire salam alaikum, il y a un verset, d'accord, sur ça, sur le fait de donner le salam, que je vais, inshallah, vous lire. Donc Allah Azza wa Jalla dit: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. Donc dans sourate 4, dans sourate An-Nisa, verset 94: Ô les croyants, lorsque vous sortez pour lutter dans la santé d'Allah, voyez bien clair, et ne dites pas à quiconque vous adresse le salam de l'islam, tu n'es pas croyant, convoitant les biens de la vie d'ici-bas. Donc, à la base, celui qui te dit salam alaikum est musulman jusqu'à preuve du contraire, sauf si tu connais à la base de cette personne que ce n'est pas un musulman, que tu as eu des preuves déjà. Exemple, si Bush nous donne le salam, on saura que c'est pas un musulman, puisqu'on a déjà des preuves claires et nettes que c'est un mécréant, d'accord? Mais un inconnu dans la rue, moi je parle de l'inconnu que vous voyez qui vous donne le salam, jusqu'à preuve du contraire, il est musulman, ça c'est l'avis que j'ai. Une autre chose importante, c'est que la règle, celui qui juge musulman un mécréant est un mécréant, c'est, cela s'applique sur celui dont la mécréance est visible, d'accord, Salah? Celui dont on a une preuve de sa mécréance, celui dont on sait qu'il a donné des associés à Allah Azzawajal ou qu'il a apostasié de l'islam, c'est pas sur celui dont on doute de la situation à la base. D'accord? Salah, tu m'entends? Donc, celui dont tu ignores, tu ne sais pas s'il est musulman ou pas, mais tu te bats, mais que tu ne vois, c'est-à-dire que tu ne vois pas en lui du kufr akbar. Tu ne vois pas en lui qu'il a une croix au cou, par exemple, un crucifix au cou, ou bien que tu ne le vois pas prier à l'église ou des choses comme ça, mais que tu vois rien de mécréance sur lui, tu vois rien d'islam non plus, mais que après il te dit salam alaikum, eh bien ici tu as un argument qui vient qui prouve son islam et tu as zéro argument qui prouve son kufr. D'accord? Donc, ce ne sera pas, tu ne rentreras. Mais s'il se fait que cette personne, en réalité, c'est un mécréant, c'est pas pour ça que tu seras mécréant, d'accord? Tant que toi, tu n'auras pas vu. Et là, parmi les fois, il y avait un dhimmi, donc un chrétien, qui vivait donc dans le califat, au temps de Ibn Omar radiallahu anhu. Ibn Omar radiallahu anhu avait croisé donc un dhimmi, donc un chrétien, et ce dhimmi lui a donné le salam. Ibn Omar, il savait pas que c'était un dhimmi. Quand il a vu que ce dhimmi lui a donné le salam, eh bien, Ibn Omar lui a dit « Wa alaykoum salam ». Et près de compagnons lui ont dit « Oui, mais c'est un zimmi, c'est un chrétien ». Et alors, à ce moment-là, Ibn Omar est retourné chez ce chrétien, il lui a dit une parole, je ne sais plus exactement laquelle, dans le sens « Rends-moi le salam que je t'ai donné » ou quelque chose comme ça. Donc toujours est-il que ce Ibn Omar, ce compagnon, avait jugé musulman ce chrétien sans savoir que cette personne était chrétienne, mais en se basant uniquement sur le fait qu'il avait vu de cette personne qui lui a donné salam, il n'avait rien vu d'autre, il n'avait pas vu un signe qui prouverait une mécréance chez lui, il n'avait pas vu un signe qui prouverait qu'il était chrétien ou quelque chose comme ça, et donc par erreur il a cru qu'il était musulman en n'ayant pas vu de mécréance chez lui. Ça n'a pas fait de lui un mécréant. Je ne sais pas si ma réponse est claire, Salaf. Non, ça c'est... Oui, l'histoire d'Ibn Omar, c'était dans Dar al-Islam. C'était dans Dar al-Islam. Voilà, je vais, Inch'Allah, je vais vous laisser parce que je commence à être fatigué. Demain, je dois me lever tôt. Donc, je vous remercie pour votre attention. Assalamu alaikum.